En Corée du Sud, d'après la KBS, la 30e statue de fillette de la paix dévoilant le crime de l'esclavage sexuel du Japon, crime anti-humain ultra-géant, est érigée le 9 courant à la ville de Kunpo de la province de Gyeonggi de la Corée du Sud. En Corée du Sud, la première statue de fillette de la paix a été mise sur pied en décembre 2011 devant l'ambassade japonaise à Séoul.